J'ai du brouillard dans la tête, c'est un gros nuage noir qui s'amuse à faire la fête. Vous n'allez jamais me croire, qui s'amuse à faire la fête. Vous n'allez jamais me croire. Je l'ai rencontré sans rire, en faisant boum et patatras. Des petits malins vont vous dire que je pouvais pas tomber là. Des petits malins vont vous dire que je pouvais pas tomber là. La boîte à musique me fait voyager dans un fantastique pays d'amis retrouvés. Au beau milieu des nuages, je me croyais au paradis, entouré de tous ces sages qui me criaient « Sapristi !» Entouré de tous ces sages qui me criaient « Sapristi !» C'était de jolies bouteilles de nuages pétillants. Elles n'avaient pas leur pareil pour faire tourner tous les gens. Elles n'avaient pas leur pareil pour faire tourner tous les gens. La boîte à musique me fait voyager dans un fantastique pays d'amis retrouvés. Composé de beaux nuages de première qualité, cette boisson pour les sages vous donne envie de chanter. Cette boisson pour les sages vous donne envie de chanter. C'est une boisson qui fait rire, qui fait boum et patatras. Certains pourraient bien vous dire que c'est vilain de faire ça. Certains pourraient bien vous dire que c'est vilain de faire ça. La boîte à musique me fait voyager dans un fantastique pays d'amis retrouvés. J'ai du brouillard dans la tête, c'est un gros nuage noir qui s'amuse à faire la fête. Vous n'allez jamais me croire. Qui s'amuse à faire la fête. Vous n'allez jamais me croire. Ah non alors.